qu'on ne le réchauffe pas, il devient bleu, azurin et ne répond plus de rien. Quand il a chaud, oh là là, quel presto! Le voilà rouge comme un homard, homard en a marre. Homard, le homard vous en fera voir de toutes les couleurs. Homard, le homard vous en fera voir, j'en ai bien peur. Homard, le homard vous en fera voir de toutes les couleurs. Homard, le homard vous en fera voir, j'en ai bien peur. Fier, car il a le mal de mer. Il devient vert jaune. Homard est très malade. Homard a parfois peur. Il en perd ses couleurs. Il devient blanc comme un drap. Homard est dans tous ses états. Oh, Homard, le Homard vous en fera voir de toutes les couleurs. Homard, le Homard vous en fera voir, j'en ai bien peur. Homard, le homard vous en fera voir de toutes les couleurs. Homard, le homard vous en fera voir, j'en ai bien peur. Et quand Homard est en amour, il devient multicolore et fait entendre aux alentours ses pinces et sa voix de velours. Vous en fera voir de toutes les couleurs. Homard, le homard vous en fera voir, j'en ai bien peur. Homard, le homard vous en fera voir de toutes les couleurs. Homard, le homard vous en fera voir, j'en ai bien peur. Homard, tu changes encore de couleur? Oh, mais tu es blanc comme un drap. Homard, ça va?